Au beau milieu de l'Antarctique, dans un désert blanc qui s'étend à perte de vue, se dressent deux petites tours. C'est une base scientifique, la base Concordia. Chaque année, une dizaine d'hommes et de femmes y posent leurs bagages pour y faire ce que l'on appelle un hivernage. Pendant 9 mois, incluant l'hiver austral, ils vont vivre et travailler là en autonomie totale. Impossible d'envisager une évacuation quand à l'extérieur, les températures descendent en dessous de moins 80 degrés. L'équipe d'hivernants est composée de chercheurs, de techniciens, d'un médecin et d'un cuisinier. Ensemble, ils doivent se débrouiller, seuls, quoi qu'il arrive, malgré les conditions extrêmes, le confinement, l'isolement et les 3 mois de nuit sans voir le soleil, ils doivent mener à bien leur mission scientifique. Comment les habitants de Concordia résistent-ils à ces épreuves physiques et psychologiques? En quoi consistent les travaux de recherche réalisés sur place? C'est ce que raconte l'astrobiologiste et glaciologue Cyprien Verseux dans un livre intitulé « Un hiver en Antarctique, seul sur la planète blanche » aux éditions Hugo Images. À 27 ans, il était chef de mission du 14e hivernage à Concordia qui s'est déroulé l'année dernière. Et cet après-midi, il va nous dire comment il a vécu cette expérience hors du commun au milieu du continent blanc. Et en toute fin d'émission, nous nous intéresserons aux particularismes régionaux de la langue française avec le linguiste Mathieu Avanzi qui vient de publier un atlas des expressions de nos régions. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. On voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi. Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique. On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, hein, c'est, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire quoi. Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg, mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable. Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète quoi. Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains. Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est en train de vous voir. Bonjour Cyprien Verseux. Bonjour. Nous venons d'entendre un extrait de la série « Un été en Antarctique » de Nicolas Martin, diffusée sur France Culture. Voilà qui doit vous rappeler quelques souvenirs, Cyprien Verseux, votre arrivée à bord de l'Astrolabe à la base Dumont d'Urville sur la côte antarctique. Vous vous souvenez de ce moment précis où vous êtes arrivé sur le continent blanc ? Je m'en souviens très bien, oui, parce que pendant des jours, on a vu que de la mer. Et puis à un moment, on a commencé à voir un morceau de glace dans l'eau qui flottait, puis un iceberg et puis un manchot. Et puis la glace et les animaux devenaient de plus en plus denses, on en voyait de plus en plus souvent. Et puis un jour, on a vu une masse blanche au loin et c'était le continent Antarctique. Mmh. On est arrivé, on s'en est rapproché. Donc l'Astrolabe a commencé à briser la glace qui nous empêchait de passer. Et puis on s'est fiché dans la banquise avec en arrière-plan le continent Antarctique. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là ? Je pense qu'on était tous un peu euphoriques. Alors, il y avait les vétérans, ceux qui étaient déjà venus, qui essayaient de donner l'impression, voilà, qu'ils en avaient vu d'autres et qu'ils n'étaient pas impressionnés. Tous les autres étaient complètement excités. On regardait les manchots, on prenait des photos et puis c'était vraiment magnifique. Ouais. D'où partait le bateau pour arriver en Antarctique? Le bateau partait de Hobart en Tasmanie et on a mis à peu près 4 jours à rejoindre la côte antarctique. Ouais. Et il faut dire que lorsque l'on prend la mer pour arriver jusqu'en Antarctique, la mer est particulièrement agitée. Hein. Il n'y a plus de terre pour couper les vagues, ce sont les 50e hurlants. Ouais, effectivement, la mer est très très agitée et puis l'Astrolabe est optimisé pour la glace plus que pour ces mers-là. Du coup, c'est vrai que les gens tombent malades très rapidement. Ouais. Surtout qu'on a eu une mer très agitée dès qu'on a quitté Hobart. Beaucoup, beaucoup de gens ont commencé à disparaître. Et le lendemain, on voyait très, très peu de gens sur le pont. Ouais. Alors, à disparaître dans leur chambre parce qu'ils étaient malades. Hein. Exactement. On ne peut pas par-dessus. Ouais. On surnomme ce bateau, l'Astrolabe, le Gastrolabe. C'est pas pour rien. Non, c'est un surnom qu'il a bien mérité. Ouais. Tout le monde est malade. Hein. Ça vomit dans tous les coins, paraît-il, sur ce bateau. Lorsque vous arrivez sur la côte antarctique en Terre Adélie, en fait, ça n'est qu'une étape. Cette base du Mont d'Urville. Ce n'est pas là que vous allez. Vous visez une des rares bases habitées toute l'année au cœur de l'Antarctique, une base franco-italienne qui s'appelle Concordia. Et là-bas, les conditions sont encore plus dures que sur la côte. C'est ça. Pour moi, c'était juste une étape. En fait, après Dumont d'Urville, j'ai pris un petit avion qu'on appelle le Twin Otter et j'ai eu encore quelques heures de vol. 1000-1200 km pour aller à Concordia, qui est à l'intérieur des terres, là où vraiment il n'y a plus rien. Alors peut-être que vous aviez en tête le nom et le parcours de vos illustres prédécesseurs en vous lançant dans cette aventure, tel Paul-Émile Victor. Voici ce qu'il disait à propos du profil qu'il fallait avoir pour participer aux expéditions polaires qu'il dirigeait en Antarctique. Aujourd'hui, pour partir en expédition, il faut être un spécialiste. C'est-à-dire un monsieur qui connaît son métier, sa technique, un peu mieux que la plupart des autres. Donc, largement au-dessus de la moyenne, quel que soit ce métier. L'éventail des gens qui partent en expédition, ça va du mécanicien de véhicule, de moteur, à l'agrégé de l'université. En somme, Paul-Émile Victor, dans vos expéditions, il n'y a pas de place pour les aventuriers. Il y a la place pour l'esprit d'aventure, mais il n'y a évidemment pas de place pour les aventuriers et il n'y a pas de place pour les dilettantes. Ce sont des techniciens, ce sont des scientifiques, et ce dont nous avons besoin surtout, et c'est pour ça que nous les choisissons, ce sont des gens qui ont des qualités de cœur, des qualités humaines. C'est ça qui compte. Paul-Émile Victor en 1964, hein, pas de place pour les aventuriers. Vous êtes d'accord avec lui, Cyprien Verseux ? Alors je suis d'accord avec lui, particulièrement pour les missions qu'il dirigeait. Après Concordia, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect psychologique très important, parce qu'on est isolé pendant 9 mois, coupé du monde, puisque les températures ne permettent pas de rejoindre la base ou de la quitter. Il y a la nuit polaire qui dure longtemps, dont 3 mois sans voir le soleil, comme vous l'avez dit. Et donc, oui, il y a la sélection se fait au niveau technique, mais aussi au niveau psychologique. Avant de partir, quel test vous avez dû faire ? Sur quels critères vous avez été sélectionné pour affronter ces conditions ? On l'entend, qui sont effectivement extrêmes. Alors, il y a d'abord une sélection technique. Donc, pour mon cas, c'était être sélectionné par un laboratoire qui me proposait comme candidat au programme polaire italien. Et ensuite, je suis entré dans la phase de sélection organisée par l'Institut polaire. Il y avait 2 jours à l'hôpital militaire de Rome pour des tests psychologiques et médicaux. Mmh. Ensuite, il y avait une semaine avec des cours théoriques sur l'Antarctique et des épreuves pratiques comme grimper à la corde, traverser un tunnel en flammes, s'échapper d'un hangar en fumée, sauver un équipier jeté dans un lac. Mmh. Ce genre de choses. Ensuite, camper pendant quelques jours sur un glacier à côté du Mont Blanc pour voir comment on se comporte dans des conditions un peu moins confortables qu'une salle de classe. Et à l'issue de ça, on a été regroupés avec les équipiers sélectionnés par l'IPEV, l'Institut Polaire Français, pour une semaine supplémentaire de formation et de renforcement de la cohésion de l'équipe. Ouais. Et puis avec ces tests psychologiques, vous commencez d'ailleurs votre ouvrage comme ça, une psychologue absolument odieuse, mais certainement qu'elle le fait exprès, pour tester justement votre capacité à résister à quelqu'un d'extrêmement désagréable. Elle vous dit tout ce qui pourrait vous faire sortir de vos gonds. Ouais, exactement, ouais. Ça m'a un peu surpris au début, et puis en fait ça devient rapidement évident. Ouais. Déjà quand je suis arrivé dans la salle, pas un bonjour, pas un mot, elle m'ignore complètement. Ensuite, elle me pose une question, j'avais dû sauter par erreur une question, elle me dit « mais t'es pas satisfait de ta vie ?»« Ah bah si. Alors écris-le !» Puis elle jette sur la table des feuilles, le papier, etc. Moi, bon, je tire une chaise pour m'asseoir. « T'es dit de t'asseoir ?» Ok, donc je reste debout, je prends le papier. « Ok, assieds-toi maintenant. Donc je m'assois, puis « t'es trop près, donne-moi de l'air !» Et donc elle me fait reculer comme ça, jusqu'à ce que j'arrive au milieu de la pièce, et puis après elle... Pendant tout l'entretien, c'était « Mais pourquoi tu es là-bas? T'es fou? Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont t'attendre? Quand tu vas revenir, tu seras complètement obsolète ?» Et que des choses comme ça jusqu'à la fin de l'entretien. Et quand même, vous décelez son œil qui frise, un petit sourire à la fin où vous comprenez qu'il y avait une part de jeu dans cette façon de vous tester. Alors vous arrivez après tous ces tests, après avoir été sélectionné. Non seulement vous êtes sélectionné, mais en plus, alors que vous êtes 27 ans et que les 13 personnes qui vont rester dans cette base seront pour la moyenne d'âge aux alentours de 35 ans, il y en aura 3 même au-dessus de 50 ans, c'est vous que l'on va choisir pour être le chef de bord, le chef d'équipe. Ça vous a surpris ? Ça m'a surpris un petit peu, notamment parce que j'avais justement que 27 ans, j'étais un des plus jeunes de l'équipage et on sait que dans les missions en Antarctique, au moment où la mission commence, donc quand les gens ne vous connaissent pas encore, l'autorité vient en grande partie de votre âge. Elle vient aussi de votre expérience dans des conditions similaires. Mais typiquement, plus une personne est âgée, plus on va lui faire confiance pour diriger la mission. Et pourquoi alors on vous a choisi vous à 27 ans ? Qu'est-ce que vous avez de si exceptionnel ? Moi aussi, je vais faire le psychologue désagréable. Mais écoutez, on ne me l'a jamais dit. Je sais juste que c'est à l'issue des tests de sélection. On était observés en permanence par une psychologue et puis d'autres personnes des instituts polaires. Mais on n'a jamais dit pourquoi. Ouais. Alors vous arrivez à Dumont-d'Urville, on imagine, donc pas encore à Concordia, hein. Dumont-d'Urville c'est sur la côte antarctique, on imagine avec une certaine appréhension parce que vous étiez astrobiologiste, il va falloir devenir glaciologue et en plus vous aurez la charge de diriger ce groupe de 13 personnes en autonomie totale. Heureusement à Dumont-d'Urville, vous pouvez trouver vos marques. Décrivez-nous cet endroit qui a l'air superbe, vous vivez au milieu des manchots quand vous êtes à Dumont-d'Urville. Ouais, ça c'est une base que j'ai vraiment adorée parce que en fait c'est juste des containers donc posés sur une petite île. Il faut savoir que c'est une île parce qu'il y a tellement de glace et de neige qui relie les îles entre elles et au continent qu'on a l'impression d'être sur le continent. Mais ouais, sa particularité principale, c'est qu'elle est entourée de manchots. C'est-à-dire qu'il y a des colonies de manchots qui vivent tout autour et puis même à l'intérieur de la base. Et alors, vous discutez notamment avec des ornithologues. Ils ne se contentent pas de les étudier, ces manchots. Ils les ont pris en affection. C'est-à-dire que même une des ornithologues vous raconte que les années précédentes, il y a eu de la mortalité particulièrement importante dans la colonie de manchots. Elle a du mal à retenir ses larmes quand elle vous explique ça. Bah oui, ça se comprend parce que les ornithologues travaillent chaque jour avec les oiseaux. Alors certains travaillent avec les manchots, d'autres avec d'autres espèces qui sont présentes sur place, mais elles les côtoient chaque jour. Et puis c'est vrai que parfois on peut être un peu déséquilibré au niveau émotionnel quand justement on est affecté par les autres conditions de l'hivernage. Et parfois les ornithologues s'attachent à leur sujet d'étude. Ouais. Alors vous les trouvez aussi très attachants. Déjà leur démarche pataude vous amuse. Les rapports sociaux aussi. En fait, quand on prend le temps de regarder vivre la colonie, il se passe des milliers d'interactions très précises et inter-individuelles. Et alors les manchots, c'est vraiment des bestioles attachantes. Surtout que là, c'était des manchots à Delhi. Donc on pense souvent aux manchots empereurs, notamment grâce au film La Marche de l'Empereur. Ouais. Les manchots à Delhi, en fait, ils sont plus petits et puis beaucoup plus actifs. On dirait un peu qu'ils sont d'ailleurs hyperactifs. Et puis quand ils marchent, on dirait des petits gangsters grassouillets. Ou alors ils se mettent sur leur ventre et ils pédalent avec leurs ailes et leurs pattes. Mmh. Ils y trébuchent, ils se rentrent dedans, ils se crient les uns sur les autres, ils se mettent des gifles, ils se volent des cailloux dans les nids les uns des autres. Parce que c'est très précieux pour eux, le caillou. Le caillou, c'est la monnaie d'échange pour les manchots, parce que ça permet d'isoler les œufs et les petits du sol. Et du coup, ils se les volent, ils se font la cour aussi pour parfois obtenir des cailloux en cadeau. C'est-à-dire que des femelles acceptent le rapport sexuel si elles ont le droit, en échange, de piquer quelques cailloux. Normalement, les manchots se trouvent un partenaire et restent fidèles pour la saison, en tout cas en théorie, mais parfois, des femelles vont se laisser monter par un autre mâle qui, après, va la laisser prendre quelques cailloux. D'ailleurs, parfois, le mâle, on va dire légitime, le premier partenaire va élever sans le savoir la progéniture de l'amant. Ah oui. L'essentiel de votre voyage en Antarctique se fera sans les manchots. Hein, parce que quand on entre vraiment au cœur du continent blanc, là, il n'y a plus âmes qui vivent, plus d'animaux au cœur du continent. Oui, c'est-à-dire qu'à Concordia, vu que les températures peuvent descendre en dessous de moins 80 degrés pendant l'hiver, qu'il fait nuit pendant des mois d'affilée, et qu'on est loin de la côte, il n'y a rien à manger et les conditions ne sont pas vivables. En fait, même les microbes sont peu nombreux et très peu actifs. Alors c'est un petit avion qui vous emmène à Concordia. Là va commencer ce qui est sûrement l'une des expériences les plus intenses de votre vie. Là où vous allez, la promiscuité vous attend, l'isolement, une nuit polaire qui durera 3 mois, des températures qui descendront en dessous de moins 80 degrés. Et du haut de vos 27 ans, vous serez le responsable de ce groupe de 13 personnes totalement isolées du monde. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Cyprien Verseux fait souffler un vent glacé dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Okay. This dream I'm dreaming. Won't you wake me up tonight? Cause this life I'm living. This strange dream I'm dreaming. If it ain't wrong, it don't feel right. Never thought you would leave me. I never thought I'd have to start again. Somebody wake me. Don't you wish that we were just dreaming? Dream for Dreaming, c'était Patrick Watson sur France Inter. Du vent dans les synapses. Eh oui, on va y aller. Donc actuellement, la température est de moins 50 degrés, le vent de 4 mètres secondes, ce qui nous fait un wind chill, donc une température ressentie d'environ, je dirais, moins 65 degrés ou quelque chose comme ça. Alors, voilà. Donc, nous étions dans ce bâtiment. Donc, dernière fenêtre, troisième étage, étage des chambres ensuite avec toutes les fenêtres. Et nous allons maintenant aller dans ce bâtiment. Autant vous dire que la température est agréable, mais sans plus par rapport à l'hiver. Donc ici, en fait, on fabrique de l'eau en mettant de la neige dans un fond noir. Et puis tout ça, c'est recyclé, mais je vous explique après. Hop, nous voilà passés dans le bâtiment bruyant. Nous voici donc à Concordia, cette base scientifique située au cœur de l'Antarctique, dans laquelle vous avez passé 9 mois, Cyprien Verseux. Vous racontez cette expérience dans un très beau livre qui vient de paraître chez Hugo Images, Un hiver antarctique. Les moins 50 degrés à l'extérieur, ça c'est en été. Hein. Il faut bien se dire que vraiment au cœur de l'hiver, les températures descendent encore en dessous de moins 50 degrés, Cyprien. C'est ça, moins 50 degrés, on peut dire qu'il fait assez chaud là-bas. Oui, c'est ça. En hiver, on peut descendre jusqu'en dessous de moins 80 degrés. Ouais. Alors, on entendait notre guide entrer dans le bâtiment, dit bâtiment bruyant. Il y a deux tours qui se dressent au milieu de ce plateau antarctique. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment bruyant ? Alors, en fait, une des tours est la tour bruyante et l'autre, la tour calme. Dans la tour bruyante, il va y avoir les ateliers, la centrale, la salle de musculation, les magasins, la cuisine, le restaurant, etc. Donc toutes les choses qui vont faire du bruit, simplement. Et de l'autre côté, on a les choses calmes, donc l'hôpital, les chambres, les laboratoires. Alors l'hôpital, il ne faut pas s'attendre à un hôpital gigantesque. C'est une petite pièce et parmi l'équipe, parmi ces 13 personnes dont vous étiez qui vont rester pendant 9 mois complètement en autarcie coupée du monde, il y a un médecin chargé de toutes les interventions médicales qu'il aura à faire. C'est ça. Notre médecin était urgentiste et gynécologue, mais il devait s'occuper de toute urgence médicale qui se présenterait. C'est-à-dire que s'il y avait une opération à cœur ouvert à faire, c'est lui qui l'a fait ? Voilà. Alors, on espérait qu'il n'y en ait pas, mais ça aurait été lui. Ouais. Alors, cette station, elle est isolée à quel point ? Comment se fait-il que vraiment, s'il y avait un cas de force majeure, personne ne puisse venir vous sauver et intervenir ? Principalement à cause du froid. Parce que le carburant et les parties plus souples des appareils gèlent. Donc on peut quand même communiquer avec l'extérieur. Exactement, on a des communications via satellite. Mais par contre, oui, on ne peut pas être évacué et on ne peut pas nous rejoindre. Alors cette station est conçue pour pouvoir vivre coupé du monde et sans polluer ce grand continent blanc. Ça implique une gestion de l'eau et des déchets particulières. Une salle de traitement des déchets avec Gérard, notre plombier, et Bruno, notre mécanicien. Car il faut savoir que tout est trié. On a 5 types de tri différents. Les métaux, les matériaux composites, le papier, les déchets organiques. Tout est trié à la base pour ensuite être retourné en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou directement en France pour certains déchets. Alors, ça c'est assez important. C'est notre usine de retraitement de l'eau. C'est une machine qui a été prototypée par l'agence spatiale et qui pourrait ressembler à ce qui devrait voler sur Mars. Donc en fait, elle nous permet de recycler environ 80% de notre eau sale sans aucun ajout de produits chimiques. C'est purement de la filtration. Avec toute la neige qu'il y a autour de vous, vous devez quand même recycler l'eau. Vous ne pouvez pas juste faire fondre de la neige à volonté. Alors on pourrait, le problème c'est que ça coûte de l'énergie. Et donc, en fait, on prend de l'eau qu'on met dans une cuve, donc ce qu'on appelle le fondoir. La neige est fondue, elle est utilisée une première fois. Et ensuite, elle passe dans un système de recyclage de l'eau qui a été développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, comme c'était dit dans l'enregistrement. Et comme ça, on peut la faire durer au maximum. Et ça implique de drôles de choses. Par exemple, il ne faut surtout pas faire pipi sous la douche. Ah non, il ne faut pas faire pipi dans la douche. Pour quelle raison ? C'est un rappel qu'on blaguait souvent là-dessus, parce qu'on le rappelle souvent en fait aux gens qui viennent d'arriver, parce que ce système marche, fonctionne très très bien. à part pour certains composés qu'on trouve dans l'urine, ce qui fait que si quelqu'un urine dans la douche, l'eau va en puer pendant des jours. Vous êtes dans une sorte de vaisseau spatial quand vous êtes dans cette base, vous êtes vraiment coupé du monde, hein, en autarcie. C'est ça, et Concordia, en fait, c'est ce qu'on trouve de plus proche d'une future base sur la Lune ou sur Mars, et c'est pour ça qu'on est suivi de près par différentes agences spatiales, notamment l'Agence spatiale européenne. Ouais. Alors, vous allez arriver dans cette base Concordia en été, donc il y a une quarantaine de personnes, ça vous permet de discuter, on vous passe le flambeau, c'est-à-dire que l'ancien chef de la base vous donne un petit peu les clés et puis un peu les règles de gestion de la base, et puis assez rapidement, vous allez vous retrouver seul, à 13, coupé du monde, dans cette base. C'est dôme C, on est un peu en altitude, donc en plus l'atmosphère est raréfiée, donc il y a vraiment une acclimatation à faire en plus. Exactement, c'est-à-dire que quand on arrive, on nous conseille de pas faire de sport, de pas travailler, simplement parce qu'on a à peu près 60% un peu plus de 60% de ce qu'on trouve au niveau de la mer. Et quand on arrive là-bas, ça peut donner des maux de tête, des difficultés à dormir qui peuvent perdurer toute l'année. La nausée, puis d'autres symptômes. Alors vous aviez, en plus de tout ça, le rôle du chef, une situation particulière. On l'a dit, vous êtes l'un des plus jeunes. Et puis, on vous met en garde très rapidement. Vous ne pourrez jamais quitter ce statut comme on le fait dans une équipe habituellement. Lorsqu'on est chef, on rentre chez soi et puis on pose un peu ses responsabilités. On peut se changer d'idée. Là, ça n'est pas le cas. Et puis surtout, il y a une très belle expression que vous employez. Vous dites, je suis équipé d'un pistolet à bouchon. C'est-à-dire que là où vous êtes, personne ne peut venir vous aider à asseoir votre autorité. Et puis même si l'on va dans des extrémités, s'il y a un délit qui est commis dans cette base, vous n'allez pas appeler la police. Exactement, on n'a que l'autorité que nous confère l'équipage. C'est un peu différent de ce qu'on ferait dans une entreprise, par exemple, parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas accès aux moyens disciplinaires, entre autres, qu'on pourrait avoir dans des conditions normales. On est chef 24 heures sur 24. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas maintenir une distance un peu que, voilà, on pense parfois à ces chefs qui restent loin des équipages qui dirigent pour maintenir comme ça un peu de mystère et d'autorité. À Concordia, on nous voit tous les jours dans toutes sortes de situations et donc on peut pas jouer là-dessus. Mmh. Il faut simplement être franc, connaître un peu tous les équipiers et faire pour le meilleur, je dirais. Et on est avant tout un équipier avant d'être le chef. Et c'est vrai que parmi les plus âgés, il y en avait au moins un qui n'appréciait pas le fait qu'on ait mis à la tête de l'équipage quelqu'un qui voyait comme un gamin. Mmh. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour gagner sa confiance. Ouais. Et vous avez réussi à gagner oui. sa confiance. Tout ça, c'est pas uniquement pour le plaisir de mettre comme ça des gens isolés et de voir comment psychologiquement ça se passe. Vous avez des expériences scientifiques à faire. Certains scrutent le ciel, par exemple, et étudient les turbulences de l'atmosphère. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai un magnifique fond de ciel. Avec l'étoile qui est un petit peu vers le haut, mais ça va aller quand même. Donc ça fait maintenant 5 ans qu'on vient régulièrement sur le site, avec la première année un télescope, la deuxième année deux télescopes. On est monté en puissance peu à peu, et on est à l'aube du quatrième hivernage maintenant. Et donc on commence à avoir une bonne photographie de ce qui se passe, de la manière dont l'atmosphère se comporte au-dessus du site de Dôme C. Par exemple, on s'est aperçu qu'en hiver, du fait que la neige est très froide, la température en hiver c'est moins 70, moins 75, il y a un gradient de température très fort au niveau du sol qui génère une couche de turbulence qui fait à peu près 30 mètres de haut. Au-dessus de cette couche, on est deux fois mieux que le meilleur site du monde, un site où l'astronomie du 21e siècle devra se faire. C'est un bon endroit pour regarder le ciel. Et vous qui êtes astrobiologiste, mais là vous étiez dans le rôle du glaciologue, hein, Cyprien Verseux, vous avez dû profiter de ces ciels étoilés, étant donné que la nuit n'en finissait pas d'ailleurs. Ah oui, c'était magnifique. Oui. J'ai jamais vu des cieux aussi clairs que là-bas. On voyait un nombre d'étoiles qui était impressionnant. La Voie lactée était vraiment tracée dans le ciel. Puis c'était magnifique parce qu'en dessous, il y a la glace qui part à perte de vue et dans laquelle se reflète la lune. Et donc la neige devenait presque phosphorescente. Et souvent, je n'avais pas besoin d'allumer ma lampe de poche. Vous avez assisté à des éclipses, alors une éclipse partielle de soleil et une éclipse de lune aussi là-bas. C'est des expériences inoubliables. Et surtout qu'on a vu une éclipse solaire en pleine nuit. Alors, éclipse solaire en pleine nuit, expliquez. Elle était 3h du matin, mais comme c'était pendant l'été, il faisait jour. Ah, c'est ça. Et du coup, c'est une des rares occasions où on a pu voir une éclipse solaire en pleine nuit. Et oui, parce que la nuit, il fait jour. Après, le jour, il fera nuit. Hein, là-bas, c'est tout ou rien. Il y avait des études physiologiques aussi, dont vous étiez les cobayes. On teste un peu physiologiquement comment vous vivez ces conditions extrêmes. C'est-à-dire que l'Agence spatiale européenne envoie un médecin-chercheur. Donc pour nous, c'était Carmen Posning, une de nos coéquipières, qui regardait comment est-ce qu'on s'adaptait à ces conditions-là. Donc elle nous prenait du sang, on lui donnait des échantillons de cheveux, d'urine, de salive, d'excréments. Et elle regardait comment notre flore microbienne évoluait, comment notre système immunitaire changeait, comment nos hormones de stress changeaient aussi, et les effets du manque d'oxygène. La flore microbienne, on y revient toujours dans cette émission. Alors, vous aviez à faire des études, vous, en glaciologie. En quoi consistaient vos travaux exactement? Alors, je travaillais pour différents projets qui avaient ça en commun, d'aider à mieux comprendre le climat passé et de s'aventurer à prédire le climat futur. Ouais. Donc tous les jours, je sortais à entre 700 mètres et 1 km de la base pour prélever des échantillons de neige, faire des observations sur la neige, des observations météo, et de temps en temps faire ce qu'on appelait des puits de neige, donc des trous d'un mètre de profondeur et d'un mètre de large pour faire des mesures à différents niveaux. Ça n'a l'air de rien, mais ça, vous avez dû le faire parfois par moins 80 degrés, hein, vos puits de neige. Donc on imagine quand même les conditions dans lesquelles vous avez dû faire ça, de nuit, par moins 80 degrés parfois. Et puis parallèlement, donc vous étiez chef, vous aviez ces protocoles expérimentaux à faire, mais en plus, pendant le début de l'aventure, vous avez rédigé depuis là-bas votre thèse, alors votre thèse en astrobiologie cette fois. Et vous l'avez même soutenu depuis la base en visioconférence, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelqu'un à l'école doctorale qui m'a permis de défendre ma thèse par Skype. Et ce n'était pas gagné parce que là-bas, on a Internet par satellite avec un très, très bas débit. Donc, on a dû couper Internet dans tout le reste de la base pour avoir une qualité décente. Ouais. Mais il y avait quand même un délai. Donc, les figures que je montrais n'avaient rien à voir avec ce que je disais. Et puis, ça a coupé au milieu. Et à la fin, j'ai terminé la présentation et je n'ai rien entendu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du délai, que j'étais encore en train de parler au jury qui était en Italie à ce moment-là. Donc, je voyais leur réaction à ce que j'avais dit 30 secondes plus tôt. Ah oui, ça s'est bien passé finalement cette année. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon doctorat et c'était... Ouais. Vous êtes le seul, vous n'êtes pas le seul au monde à qui c'est arrivé un truc pareil, de soutenir sa thèse depuis une base au milieu de l'Antarctique? Je pense que des glaciologues avant moi l'ont fait, des thèses en glaciologie. L'une des épreuves les plus rudes pour les hivernants, c'est la longue nuit de 3 mois sans voir le soleil. Vous allez nous dire, Cyprien Verseux, comment vous et vos coéquipiers avez vécu cette nuit interminable au milieu de l'Antarctique. Donc je vous rappelle qu'il faut bien respecter tous les tris, plastique, papier, bouteilles en plastique, acier, alu, etc. Partout, dans tous les labos, à la cuisine, partout. Ok, ciao. Tu traverses le faubourg sans un mot, sans un bruit. Ce que tu retiens le jour te réveille en hurlant la nuit. La vie n'est pas si brève, c'est nous qui nous croyons immortels. Chante nos pussy blues dans les chambres d'hôtel. Les gens tirent aux fenêtres pour passer le temps. Et tes amis te demandent de choisir ton camp. Mets de l'ordre dans ta maison, puis fous le feu à tous tes papiers. C'était À Découvert, le phlegmatique sur France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Le dot à 2 sismomètres. Mais avant qu'on touche, faut qu'on sache lequel est lequel. Quoi. Donc ça, c'est ça. C'est celui-là. Ah, c'est ma hantise, le froid. Ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles. Et donc, chaque fois qu'il faut faire une intervention, c'est très lourd. Donc on essaye de régler les appareils pour avoir un minimum d'intervention. On a le gros. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue sur on se réchauffe les mains. Moi ça va encore, mais c'est vous surtout, vous êtes avec des petits gants, donc allez-vous réchauffer les mains. Bah on va se réchauffer un peu, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on va faire une bêtise. On va faire mal. Donc là, on vient d'assister à une partie, je dirais, de douleur. C'est même pas 10% de ce qu'on va avoir pendant l'hiver. Donc quasiment il faut maîtriser vraiment ses gestes et c'est pas du tout facile. Ça c'est pendant la campagne d'été, donc on essaie de préparer tout pour l'hiver. Donc là j'arrive même pas à parler parce que j'ai les lèvres qui sont déjà gelées. Extrait du documentaire Concordia Science Australe, un documentaire produit par CNRS Images. Nous allons mettre un lien sur la page du Vent dans les Synapses pour ceux qui souhaiteraient le voir. Il est en accès libre. Installation, on l'entendait, de sismomètres non loin de la base de Concordia au milieu de l'Antarctique et pendant l'été. Hein, donc température moins de 50 degrés, ça peut être encore plus froid et encore plus terrible l'hiver. Cyprien Verseux, vous racontez dans votre ouvrage un moment où vous êtes sur le terrain pour mener vos études sur la neige en glaciologie et où vous tombez progressivement en hypothermie. Vous décrivez très bien d'ailleurs ces sensations où vous êtes conscient que ça commence à dérailler un peu, mais plus suffisamment conscient pour que vraiment la sonnette d'alarme se déclenche dans votre esprit. Ah oui, c'est un des pièges de l'hypothermie en fait, c'est que parfois on commence à plus penser clairement et puis on se rend pas compte qu'on tombe en hypothermie et on reste. Et en fait, donc c'était au début de l'hiver, donc il faisait autour de moins 50 degrés, donc encore des températures qui sont chaudes par rapport à ce qui nous attendait. Mais j'avais passé 4 heures dehors sur le terrain, j'étais pas assez couvert. Puis à un moment, je me suis rendu compte que voilà, que je pensais plus très clairement. Ouais. Vous décrivez, hein, vous devez décrire la neige et vous écrivez sur votre calepin blanche. Puis après, vous rayez, évidemment qu'elle est blanche, la neige, je suis pas venu pour ça. Puis après, vous rentrez dans la petite cahute qui, elle, est à 0 degré. Vous essayez de vous déséquiper, de vous désarnacher de votre bonnet. Et tout prend un temps infini. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à enlever le gant. Enfin, on sent que vous fonctionnez complètement au ralenti. Et il vous faut un certain temps pour comprendre ce qui est en train de vous arriver. Alors déjà, oui, quand je me rends compte que je suis en hypothermie, je me lève et je commence à marcher vers l'abri. En chemin, je sens que je suis de moins en moins lucide. Donc je me concentre pour pas tomber à ce moment-là parce que on se refroidit très très vite si on perd connaissance sur la neige. J'arrive donc à cet abri et puis là, je veux enlever mon bonnet, je trouve pas la lanière et pendant une minute, je cherche la lanière dans mon bonnet pour essayer de l'enlever avant de me rendre compte que le bonnet était sur la table. Et vous dites à ce moment-là, je suis le chef responsable de la sécurité de tous, et un peu comme un débutant, je viens de me laisser prendre par le froid. Je me suis senti un peu idiot, oui. Et d'ailleurs, j'étais un débutant à ce moment-là. C'était le début de l'hiver, je manquais d'expérience, et suite à ça, j'y ai repensé, j'y ai bien réfléchi, et puis ça s'est pas reproduit. Mais ce que vous expliquez très bien aussi, c'est que finalement, le plus dur de cette expérience, ce ne sont pas les conditions extrêmes, le froid... C'est avant tout psychologique, et puis c'est cette nuit qui va s'installer progressivement. Même les tempéraments les plus solides vont être mis à rude épreuve. Ça, si vous avez des baisses de morale quand la luminosité baisse, par exemple en hiver ou quand le temps est couvert, vous pouvez imaginer ce que c'est de pas voir le soleil pendant 100 jours. Et donc, forcément, ça affecte un peu le moral. Après, les gens, ils sont plus ou moins sensibles. La sélection fait que, a priori, les gens sont moins sensibles, mais c'est difficile de prévoir comment quelqu'un réagira. Mais comme ils sont sélectionnés pour, justement, être des gens résistants, qui sont a priori pas sensibles, ça devient difficile d'avouer quand ça commence à aller mal. Ça a une certaine fierté aussi. C'est-à-dire que les gens, partent en Antarctique, très vite, ils se prennent pour des héros polaires, ou leurs proches les prennent pour des héros polaires. Et du coup, c'est difficile d'admettre, OK, je suis affecté par ces conditions, il faut que je fasse quelque chose. Et vous dites qu'en tant que chef, certains viennent vous voir, tournent un peu autour du pot. C'est vrai que c'est un des rôles du chef de base, pas d'être psychologue, mais d'être à l'écoute des gens et d'être la personne à qui les gens peuvent se confier. Ouais. Et parfois, les gens viennent sous prétexte de m'informer de quelque chose dont je devrais être au courant. Et puis, petit à petit, ils commencent à me livrer des choses un peu plus personnelles. Et vous, qui vous écoutez, vous, Cyprien Verseux, le chef de base? Vous dites peu de choses, d'ailleurs, dans votre livre, de votre état psychologique. On ne sait pas tellement si vous avez déprimé, dans quel état vous étiez. C'est vrai que le problème du chef de base, c'est que tous les gens qu'il voit pendant les 9 mois d'hivernage, c'est des gens de l'équipage. Et il faut pas montrer de doutes et de choses comme ça aux gens qui sont là. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu ce problème de qui parle au chef de base. Alors, on a une psychologue qui peut nous parler depuis l'Italie. ou la France. Puis des gens, voilà, les instituts polaires, l'IPEV et le PNRA nous soutiennent à distance, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se confier directement à quelqu'un qui est sur place. Alors cette nuit polaire, vous pouvez vous confier à nous, hein, évidemment. Cette nuit polaire, ça ressemble à quoi quand elle s'installe petit à petit sur la base? Alors évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. En fait, on a le premier coucher de soleil. Et puis après, petit à petit, on a ces longues périodes d'aube ou d'aurore et qui sont magnifiques parce que l'atmosphère à Concordia est très fine, très sèche, il y a des cristaux de glace. Et donc, on voit des effets d'optique et des couleurs qu'on voit nulle part ailleurs. On voit des cieux qui sont roses, mauves, violets, parfois jaunes, verts et qui sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que pendant les premiers jours de cette nuit polaire, ce sont des lueurs un peu crépusculaires, comme si on était dans des couchers ou des levées de soleil permanents. C'est ça. Alors au début, on a une nuit de quelques minutes. Après, la nuit s'allonge, devient de plus en plus longue. Et on a toutes ces périodes de transition. Et puis, petit à petit, on tombe dans une période qui arrive en général dans les deux premières semaines de mai, où le soleil n'atteindra plus l'horizon jusqu'à mi-août. Et au milieu de cette nuit, de cet hiver, il y a une fête pour vous aider à tenir le coup. C'est une tradition, hein. C'est-à-dire que tous les hivernants, et pas seulement à Concordia, dans toutes les stations, parce que des stations comme ça scientifiques, il y en a beaucoup le long de la côte. Il n'y en a que trois à l'intérieur des terres, mais le long de la côte, il y en a des dizaines. Partout en Antarctique, on fait une fête de 4 jours au moment le plus noir de la nuit polaire. Exactement. Le 21 juin, c'est midwinter. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction des bases. À Concordia, ça dure autour de 4 jours. Et c'est une fête qu'on prépare des semaines à l'avance. Ouais. Et qu'est-ce qui s'y passe alors pendant cette fête? Là, vous vous lâchez un peu, hein, les uns et les autres. Ouais, alors c'est la fête qui est la plus attendue parce que on a différentes activités pendant la journée. Et puis, chaque soir, il y a une soirée à thème. La première soirée, par exemple, c'était île tropicale. On a redécoré une salle. On a transformé un vieux filet de volleyball en filet de pêche avec des crustacés en origami. On a projeté la mer et la plage sur le mur avec un projecteur. On a éteint les lampes et on a mis à la place des lampes de luminothérapie qui simulaient un coucher de soleil. On a augmenté la température suffisamment pour être en maillot de bain et on avait presque l'impression d'être sur la plage. Ouais. Alors, on voit ce qui vous manquait, hein, mine de rien, quand même. Vous aviez besoin de chaleur. Même à un moment, vous reconstituez une forêt tropicale avec de la verdure, des feuilles, des fausses feuilles vertes un peu partout. Finalement, ça vous manquait terriblement dans votre univers blanc. C'est vrai qu'on n'a pas du tout de nature. Pendant toute la durée de la mission, on n'a pas vu une plante, pas un animal, même pas un insecte. Ouais. Et donc, on se sent bien, en fait, dans cette salle, une fois qu'on l'a décorée avec des fausses feuilles. Ouais. Et puis, entre toutes les stations antarctiques, vous envoyez des sortes de cartes de vœux. En fait, c'est un peu votre jour de l'an à vous, cette fête de l'hiver. Bah, c'est encore plus important que le jour de l'an, parce que ça tombe au milieu de la nuit polaire. Et donc, le moment où il fait le plus sombre, le plus froid, et puis les équipiers qui commencent à être usés un peu par les mois qui ont précédé. Et du coup, ça permet de relâcher un peu la pression et de se préparer à affronter la deuxième moitié de l'hiver. Quel lien on garde avec le reste du monde? Vous, par exemple, vous avez vécu la Coupe du Monde 2018. Là, à cet endroit-là, vous avez vu les matchs? Vous vous sentiez concerné par l'histoire? Alors, on avait quelques fans de football dans l'équipage qui faisaient des paris, organisaient des activités autour de ça. Donc, même ceux qui, normalement, ne s'intéressent pas au football. Je rappelle que c'est franco-italien. Il y avait moitié italien, moitié français à bord de l'équipe. Ça tombait assez mal. On évitait On posait pas trop de questions sur l'équipe italienne de foot cette année-là. Oui, oui. Mais les Italiens ont quand même participé au Paris, etc. Et on a essayé de regarder la finale. Alors, on avait Internet, comme je dis, qui était très très bas. Donc, ça coupait tout le temps. En fait, en utilisant la radio via Internet, mais il y avait toujours des coupures qui avaient tendance à tomber avant les pénalties ou les actions importantes. On avait des nouvelles du match toutes les 10 minutes parfois. Et quand on a su qu'on a gagné, on a fait une fête et... De façon plus générale, hors de cette anecdote-là, vous restiez connecté au reste du monde ou vous aviez l'impression vraiment d'évoluer dans un monde parallèle? On a assez peu de nouvelles de l'extérieur parce que Internet est très très limité. Les événements très importants, nos proches nous en parlent, mais tout ce qui est nouvelle musique, phénomènes culturels, etc., on les découvre en sortant. À la fin de cette expérience, qu'est-ce que vous retenez presque un an après? Qu'est-ce que je retiens? Je pense que j'étais marqué par la beauté du paysage. Je pense que l'Antarctique, c'est le plus beau du continent. Ouais. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce qu'on peut se dire, il n'y a que de la glace et c'est tout. Mais en fait, il y a des jeux de lumière qui sont tels que c'est magnifique. Et quand on retrouve le reste du monde, la verdure, le premier arbre que l'on retrouve après tout ça, comment on vit ça? C'était magique. D'ailleurs, après Concordia, j'ai rejoint mon frère qui habite en Australie et pendant 2 mois et demi, on a vécu surtout en tente, proche de la nature et ça m'a vraiment fait du bien. Vous referiez une telle expérience, un hivernage, vous y retourneriez? Ça me déplairait pas du tout, moi j'aimerais beaucoup, oui. D'ailleurs, je pense que c'est courant, quand on revient des pôles, on a envie d'y retourner. Je rappelle le titre de votre livre, Un hiver antarctique, seul sur la planète blanche, aux éditions Hugo et Images. Merci Cyprien Verseux. Petite question, tiens, vous désignez comment l'extrémité de la baguette de pain? Quel mot vous employez-vous? Le quignon. Le quignon de pain, vous auriez pu me répondre le crouton, le crougnon, le croustet, le cul du pain. Le nom n'est pas le même selon la région où l'on se trouve. Dans un instant, nous allons nous intéresser à ces particularismes régionaux avec un linguiste qui les étudie, Mathieu Avanzi. Merci Cyprien Verseux. Merci. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Whenever I hear goodbyes, remind me, baby, of you. I break down and cry. The next time I'll be true, yeah. Fever for lost romance. Remind me, baby, of you. I took a crazy chance. The next time I'll be true. C'était Teardrops, Womack & Womack sur France Inter et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pain au chocolat. Alors là, on n'est pas d'accord, moi je dis une chocolatine. Un torchon. Une serpillière. Bassing, W-A-2-S-I-N-G-E. La cince. Un escargot. La cagouille, non? Le luma. Ou le luma, ah oui, voilà, la cagouille, c'est la Gironde. Moi, je suis près de Vignes, et bien ça me rappelle tout à fait mon enfance, où on parlait beaucoup plus comme ça dans nos campagnes. Un crayon à papier. Un crayon de papier. un crayon à bois. Crayon à mine. Moi, j'appelle ça un sac, mais effectivement, on appelle ça... Une poche. On dit un pochon. Sachet plastique. Nylon. Cornet. Ah, c'est joli. Et oui, en France, le vocabulaire varie parfois d'une région à l'autre. Certains mots ne sont que très localement employés. Ils sont même parfois totalement inconnus du reste de la population. Bonjour Mathieu Avanzi. Bonjour. Vous êtes linguiste, maître de conférences à Sorbonne Université et vous venez de publier « Parlez-vous les Français, atlas des expressions de nos régions » chez Armand Collin. Il y a beaucoup de mots qui appartiennent comme ça aux Français, mais qui sont employés localement, uniquement localement. Exactement. Donc on vient de l'entendre dans l'extrait, il y a plusieurs mots qui sont employés que dans certaines régions. Donc on a la drache dans le Nord-Pas-de-Calais, ou alors toutes les variations autour du crayon de bois ou la chocolatine évidemment. Ouais. Ah oui, c'est vrai que la chocolatine et le pain au chocolat, mais il y a des débats infinis, hein. Ça agite régulièrement les réseaux sociaux. C'est effectivement un des débats qui fait le plus parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors c'est vraiment un atlas, hein, votre ouvrage, il y a des cartes où on se rend compte que, par exemple pour se faire une bise quand on se dit bonjour, il y a 5 ou 6 façons de le dire selon où on se trouve en France. Exactement. Donc, si vous êtes en Normandie, vous allez dire se boujouter. Donc, se boujouter, c'est un verbe qui a été créé à partir du mot boujou. Boujou veut dire non pas bonne joue ou autre chose comme ça, mais veut dire bonjour en normand. Et donc, on a créé le verbe se boujouter. Alors, si vous allez en Belgique, on va dire qu'on se fait une baise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on se fait une baisse. Et puis, dans l'Ouest, on se bise ou alors on se bige. Ah, et puis, on se fait un gros schmutz si on est de l'Est. On se fait un bec également. Plus spécifique, avaler de travers. Il y a là aussi des petits particularismes régionaux. Exactement, donc vous avez dans du côté de l'Est, on va dire qu'on avale par le trou du dimanche, ouais. Et puis dans d'autres régions, on va s'entrucher par exemple, donc on reconnaît le truchement, enfin le truchement c'est un mot qui existe en français. Là on s'entruche dans le Nord-Est, vous vous engouez dans d'autres régions ou alors vous zingosez, donc il y a toute une variation autour de ces verbes pour dire avaler de travers. On escagasse sa voiture, ça c'est dans quel coin de la France? Alors ça c'est dans le sud de la France, escagasser, ouais. Puis ailleurs, on va plutôt la pogner ou alors la poquer. Ouais. Ou la beugner. Ou la beugner, la ou l'embugner. Ouais. D'autres expressions, avoir la ronfle. Donc ça, c'est être fâché ou plutôt, en tout cas, être rageux ou alors ne pas être de bonne humeur, disons. Ouais. Avoir l'œuf, c'est en Corse. C'est tirer la gueule. Ouais, bouder. Alors, comment vous avez travaillé pour établir ces cartes de France avec ces zones géographiques où l'on emploie certains mots plutôt que d'autres? Parce que c'est vraiment très précisément délimité, hein, sur ces cartes que vous avez établies. Alors, on invite la population à participer à des sondages et à répondre à un certain nombre de questions. Donc on leur propose une image en général, par exemple, ça peut être l'image d'une serpillière et on leur demande de chez vous comment appelez-vous tel ou tel objet. Puis on leur propose une liste et ils doivent cocher dans cette liste. Ouais. Ensuite, sur Internet, vous avez fait ces questionnaires. Exactement, exactement. Donc ce qui nous évite de nous déplacer et on récupère un nombre de participants assez important en très très peu de temps. Et donc à partir de ces données qu'on récolte, on va calculer le nombre de participants qu'il y a pour chacun des arrondissements de France, de Belgique ou des districts en Suisse, et puis on va regarder le pourcentage d'utilisation de telle ou telle forme. Et ensuite, on va reporter ça sur un fond de carte et on va pouvoir voir comment, à l'intérieur de quelle aire ou de quelle région, tel ou tel mot ou telle formule est connue ou pas. Ouais. Alors, dans vos formulaires, vous prenez aussi en compte, vous demandez quel âge vous avez, dans quelle zone vous habitez, est-ce que c'est en milieu rural, est-ce que c'est en ville, enfin, est-ce que vous, en tant que linguiste, dans votre recherche, vous prenez en compte ces paramètres-là? Alors, on s'intéresse beaucoup, notamment aux effets d'âge pour traquer un peu les changements entre les générations et pour voir si le français est en train de changer de visage. Et alors ? Effectivement, selon l'âge, il y a des changements plus ou moins dramatiques. Hein. Donc, par exemple, les 4 bises sont encore très très présentes chez les plus de 50 ans. En revanche, les 4 bises chez les moins de 25 ans, ça n'existe quasiment pas. Mmh. On voit également des phénomènes qui s'exportent. Donc, chez les jeunes, le mot cagole, par exemple, est beaucoup plus connu que chez les anciens, alors que c'est un régionaliste qui appartient normalement à Marseille. Donc, des changements dans les deux sens, disons, des mots qui disparaissent et puis des mots qui sont en train de se dérégionaliser. Ouais, de se dérégionaliser, c'est-à-dire qu'ils se répandent un peu, hein, ces mots. C'est amusant de voir comment géographiquement, si vous faites ces cartes d'année en année, les zones vont s'étendre, certaines vont se rabougrir alors que d'autres vont s'étendre. Exactement, donc vous avez des phénomènes comme ça de mouvements. Alors on peut les comparer qu'avec 2 générations, parce qu'on peut vraiment bien traquer les changements en séparant d'une génération, donc de 25 ans. Mais à l'avenir, on espère qu'on pourra faire des cartes qui permettent de voir l'évolution du français de façon encore plus précise. Et ce qui frappe en regardant les différents mots et les différentes expressions, c'est qu'ils ont tous une répartition différente. C'est-à-dire il n'y a pas une zone en France dans laquelle on emploie une série d'une dizaine de mots qui seraient en quelque sorte corrélés. En fait, chaque mot a une répartition qui lui est propre. Exactement. Chaque mot a sa géographie et ce qui s'explique par le fait que chaque mot a également son histoire. Donc, quand on veut comprendre pourquoi la géographie est comme ça, on va toujours regarder du côté de l'histoire. Puis là, on se rend compte que, bon, ben, tel mot est ici parce qu'il était utilisé dans les dialectes qui étaient là et ces dialectes avaient telle ou telle aire d'extension. Donc, effectivement, c'est rare de trouver deux mots qui ont la même aréologie. La même aréologie, c'est-à-dire la même répartition sur le territoire? Exactement, donc la même distribution régionale. En tant que linguiste, vous essayez de comprendre d'où viennent ces mots et ces expressions locales? Alors, on est toujours à l'affût un peu d'essayer de comprendre bon, pourquoi on dit ça là et pourquoi on a ça là. Donc souvent, on retrouve ces mots dans les langues régionales ou dans les dialectes que parlaient couramment nos arrière-grands-parents. Et d'autres fois, on voit simplement que c'est des mots qui sont venus ici à cause de langues voisines. Par exemple, pour l'Alsace, donc c'est l'allemand qu'on parlait qui va pouvoir expliquer. Pour la Suisse romande, parfois, c'est l'allemand qui est parlé dans les régions d'à côté. Donc on essaie de voir un peu quels sont les critères, mais on n'y arrive pas toujours. Ah oui, c'est ça. Parfois, ce sont des énigmes, ces mots qui arrivent. Alors, certaines étymologies que vous avez réussi à retracer, par exemple, être narreux. Alors d'abord, il faut nous traduire pour ceux qui ne sont pas du coin. Ça s'emploie où, être narreux? Alors, être narreux, c'est dans le nord-est de la France, également en Belgique, et ça signifie être difficile par rapport à tout ce qui touche à la table. Donc, par exemple, ne pas aimer boire à la bouteille après quelqu'un, ou alors ne pas aimer qu'on vienne piocher dans son assiette avec sa fourchette. Ouais. Ce qui est amusant avec ce mot-là, c'est qu'il n'a pas vraiment d'équivalent. En fait, on pourrait tous l'employer parce qu'on n'a pas le mot équivalent dans les autres régions de France. C'est exactement le cas. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les régionalistes peuvent survivre, parce que, tout simplement, il n'y a pas de mot en français standard qui permette de décrire telle ou telle réalité. Et donc, le mot régional va servir, enfin, va combler un manque. Et donc, c'est ce qui justifie sa vitalité. Ouais. Il vient d'où, alors, ce mot narreux? Alors, narreux, on reconnaît dans le mot narreux, le mot qui signifie, dans les dialectes locaux, le nez. Faire le calus, là on est dans le sud-est, c'est faire l'imbécile, là aussi une origine sur une langue régionale. Les origines sont contestées pour celui-ci, faire le calus c'est faire l'imbécile, mais c'est aussi faire le malin ou faire le fou. Ouais, d'accord. Ça viendrait de l'occitan, mais on n'en est pas sûr? Ah, c'est sûrement possible qu'il ait utilisé en occitan, mais alors à savoir, est-ce que c'est l'occitan qu'il a eu en premier ou c'est le français qu'il a eu en premier, c'est toujours difficile. Et puis il y a des expressions qui s'étendent, comme on le disait, du fait de la médiatisation, du tourisme de masse, c'est le cas pour raconter des carabistouilles qui se portent bien. Hein, exactement, donc qui a été remis en lumière par notre cher président. Il y a aussi le cas du mot puff, donc qui désigne de la poussière en patois savoyard, et puis qui s'est mis à désigner de la neige poudreuse. Et donc tous les gens qui viennent skier dans les Alpes sont repartis en apprenant ce qu'était de la puff, et donc sont repartis à Paris ou dans d'autres régions de la France avec le mot puff. Donc ils ont exporté le mot puff. On débaroule dans la puff, pour être exact. Alors ça peut aussi faire référence à l'histoire d'une région comme Décoconnet, on est dans le sud-est, un peu dans la vallée du Rhône. Voilà, donc le sud de la région Rhône-Alpes, Décoconnet, donc c'était une activité qui visait à travailler à partir des cocons, des vers à soie. Donc Décoconnet, ça veut dire parler à tort et à travers. Parler à tort, déraisonner, et c'est lié donc à ces vers à soie que, effectivement, on cultivait dans la région. Alors, il y a une étymologie populaire qui vient dire que c'est les gens, quand ils décoconnaient, justement, ils parlaient à tort et à travers pour s'occuper, et donc ça viendrait de là. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle une étymologie populaire. Oui, c'est joli. En tout cas, c'est un travail infini. Vous avez du travail jusqu'à la fin de vos jours, tant que ce sujet vous passionne, parce que déjà, les mots de vocabulaire fluctuent avec le temps, et puis, certainement, il y a une mine de mots que vous n'avez pas encore recensés et qu'il faudrait étudier. Exactement. Donc, on est très content de la part des internautes et des participants qui commentent nos cartes, puisque c'est eux qui nous donnent les nouveaux mots. Ils nous disent bon, est-ce que vous avez travaillé sur tel ou tel mot ou telle expression, est-ce que c'est utilisé ici? Et c'est grâce aux retours très positifs qu'on reçoit qu'on peut continuer ces enquêtes et donc continuer à avoir des matériaux. Merci Mathieu Avanzi, je signale votre livre Parlez-vous les Français, Atlas des expressions de nos régions chez Armand Collin, et j'encourage les auditeurs à poursuivre la discussion sur la page Facebook du Vent dans les Synapses. Faites-nous de vos expressions favorites et des mots de votre région. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes, et dans un instant, Jean-François Zigel et sa preuve par Z.